se passe ici, monsieur? C'est le salon du livre libertaire. Qu'est-ce que c'est le livre libertaire? Libertaire, c'est les anarchistes, mais pas seulement ça, c'est une philosophie, c'est une idée. Vous êtes libertaire? Oui, je suis anarchiste. Oui. Qu'est-ce que ce serait pour vous la société idéale? Une société libertaire, égalitaire, fraternelle, où on vivrait en fonction de ses besoins et de ses moyens. Une société égalitaire. Pourtant, je crois que l'anarchie, c'était pas l'égalité. L'anarchie, c'est tout le monde fait ce qu'il veut. Non, c'est le respect des libertés individuelles avec ses limites. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'emmerder le monde. Je veux dire, on a le droit de vivre en fonction de ses idées, de ses conceptions, sans contrainte, à partir du moment où ça nuit pas à son voisin, quoi. L'anarchie, c'est pas le bordel, comme on a tendance à... je dirais que c'est même le contraire. Par exemple, là, vous êtes tatoué de partout, vous êtes presque torse nu. C'est une manière d'assumer cette liberté? C'est un libre choix. Moi, c'est mon choix, moi. Donc voilà, moi, j'oblige personne à être tatoué à moitié torse nu. Pour autant, j'aimerais pas non plus qu'on me l'interdise. À partir du moment où je nuis pas à mon prochain. Bonjour à tous et bienvenue à l'espace des Blancs Manteaux où a lieu le 6e salon du livre libertaire. Ça fait combien de temps que vous êtes anarchiste? Une quarantaine d'années. Qu'est-ce qui vous a décidé? Parce que j'ai toujours voulu vivre dans un monde égalitaire. Moi, j'ai pas envie d'aller prendre à mon voisin. Si mon voisin veut me le donner, tant mieux. Et si moi, je peux donner à mon voisin, tant mieux aussi. Voilà, c'est plutôt une philosophie, quoi. C'est gratuit, l'entrée du Salon du Livre Libertaire? Les gens donnent ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Ils peuvent ne rien donner, ils peuvent donner ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous donner l'heure, s'ils veulent. Mais bientôt 11h. Ben voilà. Et votre prénom? Jean-Pierre. Et alors là, aux dernières élections, vous avez voté? Sûrement pas, non. Parce que nous, on considère qu'il vaut mieux obtenir par la lutte plutôt que par l'élu. Nous, on avait un slogan qui disait « pas d'élu, des luttes ». En ce qui me concerne, et je vais parler pour moi, j'ai pas envie de choisir ma maladie la moins grave. Donc je considère que si je veux changer la société, ça sera en organisant les luttes qui nous amèneront à nous libérer. Tout à l'heure, vous me parliez de liberté, de respect de l'autre. La lutte, c'est plus le respect de l'autre? Bien sûr que oui. Si par exemple, on est d'accord sur un sujet, on peut se fédérer et puis essayer de faire que ce projet aboutisse, sans forcément contraindre les gens qui ne sont pas d'accord avec nous à le faire. Oui, donc c'est pas une lutte. Moi, je veux changer la société, donc je lutterai pour la changer, la société. Maintenant, si t'es pas d'accord pour la changer, la société, j'irai pas te chercher des poux dans la tête non plus. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis retraité. Si ça laisse le temps. Oui, mais je me suis battu toute ma vie pour être à la retraite. Maintenant que j'y suis, j'en profite. Vous faisiez quoi avant? Je conduisais des bus à la RATP. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais bon, je détestais pas mon métier, hein, cela dit. Parce que justement, j'avais le contact avec les gens, ça ouvrait des discussions possibles. Voilà. Et puis moi, j'avais le sentiment de faire un service public, on peut rêver, quoi. Et d'être utile, quoi. Au moins aux gens qui allaient à leur boulot, ou qui en revenaient d'ailleurs, ou qui allaient au restaurant, ou qui allaient voir leur maîtresse ou leur amant, quoi. Je veux dire, voilà, on les emmenait. Et alors maintenant, vous occupez votre retraite en militant pour l'anarchie? Oui, mais c'est un prolongement, parce que je l'ai toujours fait aussi, donc j'ai un peu plus de temps, quoi. Il y en a un qui est en train de prendre l'argent de la caisse, là, c'est normal, c'est ça? Oui, mais lui, il relève les compteurs, alors. C'est l'anarchie. Pourquoi vous prenez l'argent de la caisse? Ah, non, je vais donner ça. À qui? Ah, non, faites interview de quelqu'un d'autre. C'est quoi, vous avez pas le droit de parler, vous? Bah si, mais vous m'intéressez, vous prenez l'argent dans la caisse et puis vous partez comme un voleur. Pourquoi vous prenez l'argent, vous? Mais vous êtes qui, vous, d'abord? France Inter, c'est marqué sur le micro. Alors là, c'est ça. Pourquoi je prends l'argent? Mais combien t'as donné, toi, en entrant, alors? Beaucoup. Et alors, c'est vous qui organisez le salon? Je suis l'un des organisateurs, oui. Et donc, vous récupérez l'argent? Entre autres choses. Ça coûte cher, un salon libertaire? C'est pas parce qu'il est libertaire qu'il coûte ou qu'il coûte pas cher. Je sais pas, peut-être. C'est savoir si les lieux sont accessibles, coûteux, municipaux ou privés, quoi. En l'occurrence, c'est une salle municipale, elle est abordable. Alors, ça coûte combien d'organiser un salon comme ça? C'est pas moi qui m'occupe de la comptabilité. Ouais. Vous prenez le pognon, là. Moi, je suis convoyeur de fonds, moi. Alors là, déjà, j'ai vu... L'objectif, c'est pas l'argent, l'objectif est politique. C'est de montrer, en fait, la richesse de la production libertaire, la diversité des thèmes qui sont abordés par tout le mouvement libertaire, de se faire vraiment plus connaître qu'on ne l'est, parce qu'on est souvent méconnu ou très déformé. trop de gens nous voient comme des poseurs de bombes ou des terroristes. On n'est pas du tout ça. On est des militants qui voulons une vie qui soit basée sur l'égalité entre les femmes et les hommes et entre tous les humains. C'est ça notre objectif. Quoi. On a une utopie idéologique. C'est l'objectif de tout le monde, ça. Ah ben non, il y a plein de gens qui veulent que, y a les... que les hommes dominent les femmes ou que les femmes... Il y a la hiérarchie continue, en tout cas, bien sûr. Ici, par exemple, vous avez interpellé mon camarade sur l'histoire de l'argent. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Ça ne lui donne aucun pouvoir sur tout le monde pour autant. Bien sûr. Enfin, il avait l'air très mal à l'aise. Il est parti, d'ailleurs. Oh non, il n'est pas mal à l'aise avec ça. Il s'est dit, je vais laisser ma camarade se débrouiller. C'est sympa. C'est le partage des tâches. D'accord. Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Non, mais par contre, justement, ça m'intéresse. Moi, j'ai bien retenu la leçon de Georges Marchais. Georges Marchais, il a dit un jour à El Kavach, « Monsieur El Kavach, je vous remercie beaucoup de la question que vous avez posée. Maintenant, je vais dire ce que j'ai envie de dire. » Et moi, dans mes rapports avec les journalistes, si vous voulez, j'ai toujours repensé à cette idée de Georges Marchais, c'est-à-dire qu'il me posait les questions qu'il voulait, mais moi, je répondais comme je voulais. C'est pour ça que je vous dis ça. Et l'anarchie et le communisme, il y a beaucoup de points communs ? Il y a des points communs. On a la même histoire. On démarre ensemble en 1868 avec l'Association internationale des travailleurs, avec notamment comme figure de proue Marx et Bakounine. Ils s'opposent très vite sur la question du parlementarisme, Marx développant déjà à cette époque-là l'idée, en gros, ce qui deviendra la dictature du prolétariat et la prise du pouvoir par les élections, alors que Bakounine développe l'idée de l'autogestion et du fédéralisme. Et la première internationale éclate et se divise quasiment aussi vite qu'elle se crée. Et là, si vous allez dans 5 minutes dans une salle, il va y avoir une présentation des rencontres internationales anarchistes de Saint-Imier, en Suisse. C'est l'anniversaire de la reconstitution de cette première internationale qu'on a appelée à l'époque l'internationale anti-autoritaire, en opposition, en gros, à l'internationale autoritaire et parlementariste de Marx. Bonjour à tous et bienvenue au 6e Salon Libertaire, en compagnie d'Elisabeth, donc militante depuis longtemps. Et alors, j'ai vu que c'était la Suisse le pays invité. En quoi la Suisse est un pays libertaire ? Pas plus que la France, mais il y a des libertaires en Suisse. Et c'est en lien aussi avec les rencontres internationales de Saint-Imier. Saint-Imier, c'est en Suisse. Et comme on l'organise ensemble, cette rencontre au mois d'août prochain, on les a invités pour cette année, pour mettre en valeur le travail qu'ils font. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Saint-Imier ? Ce sont tous les anarchistes du monde entier qui se réunissent ? Qui sont invités, qui se réunissent. Évidemment que tout le monde ne va pas venir parce que c'est un problème financier. Oui. Mais on espère être entre 3 et 5 000. Mais pourquoi vous n'avez pas voté communiste, par exemple, alors aux élections ? D'abord, aux élections, au premier tour, je n'ai pas voté. Voilà. En général, les anarchistes ne votent pas aux élections présidentielles. Il se trouve que moi, à titre personnel, j'ai voté contre Sarkozy. Voilà. Mais là, c'est qu'une position personnelle. Je pense qu'on est assez nombreux dans le mouvement libertaire à le faire, à titre personnel. Sur le plan théorique, on n'est pas d'accord. On a un conflit de conscience. C'est compliqué. Il y a la réalité et puis il y a nos idées. Et c'est vrai que des fois, dans la réalité, on est quand même plus content de voir partir Sarkozy que de le voir rester. Alors, on n'a aucune confiance dans Hollande et la politique qu'il va mener. On a confiance que dans nos luttes. On est des humains comme les autres et on a donc tous les défauts des humains. On est construit dans une société autoritaire qui ne construit pas la coopération, qui la combat par la concurrence, par exemple, et tout ça. Et donc, c'est tout un... il faut d'abord déconstruire tout ce qu'on nous a construit pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est un boulot de titan. Mais on est fiers de le faire. Ça fait une belle vie, je vous assure. Moi, je milite depuis 40 ans et j'ai une belle vie. Bon, bah, écoutez, je vous remercie, Elisabeth. Et... surtout, parlez avec plein de gens. Oui, vous oui. Allez voir. Je vais y aller, je continue. Voilà. La peste France Inter. La pourquoi peste. Parce que c'est la peste, parce que c'est dégueulasse. Vos commentateurs sont dégueulasses. C'est des suceurs de bottes ou je ne sais quoi. C'est des roquets, des chiens galeux, des chiens de garde galeux. Voilà. C'est vrai ? Mais vous écoutez ? Le matin pour voir jusqu'où vous descendez. Quelle connerie vous allez dire, mais je ferme quand j'écoute au début, puis après je ferme parce que ça ne me va pas. Alors qu'est-ce que vous avez entendu qui... Mais tout le temps, c'est sans arrêt. C'est vous faites des boulevards à des Seulières, à des Madame Le Pen sans arrêt, puis après vous étonnez de ce qui se passe. Bah, vous c'est la démocratie, boulevards. Ça, il faut laisser non, la parole. Non, c'est pas de la démocratie. Vous n'invitez pas des gens de gauche ou des gens qui seraient comme les libertaires, c'est pas vrai. France Inter, on n'invite pas des gens de gauche. Non, vous leur coupez la parole. Je le téléphone tous les matins pour dire que vous coupez la parole à ces gens-là. Quand c'est la droite, vous ne coupez pas la parole. Quand c'est des gens de gauche, vous parlez tous ensemble. D'ailleurs, tout le monde le sait, ça. Mais je ne vous coupe pas la parole. Vous avez vu, je non, vous laisse parler. Pas vu, mais après, quand vous allez aller après votre bureau, vous allez couper. Non, ça, je vous promets. Je peux avoir votre prénom ? Ah, sûrement pas. Dans un état policier, je ne donne pas mon nom, monsieur. Ah bon ? Non. Oh là. Crypto-fasciste, non. Et qu'est-ce que vous faites au Salon Libertaire ? Ah ben j'achète des livres parce que j'adore. Tiens, j'ai acheté un livre justement sur Tarnac. L'affaire Tarnac, parce que les journalistes ont été odieux, odieux. Et c'est monstrueux ce que vous avez fait sur Tarnac. Mais vous n'écoutez pas tout France 2 parce qu'il y a eu des émissions qui ont beaucoup parlé de Tarnac. Non, vous avez tapé dessus, c'est pas vrai. Et Daniel Mermet, vous n'écoutez pas ? Ah, c'est que lui. Ah. Ah, je n'écoute que Daniel Mermet. Je n'écoute que lui. Daniel Mermet, il est formidable. Il nous amène des émissions. Il ne coupe la parole à personne. Génial, madame, c'est que... Excusez-moi de vous couper la parole. Oui. C'est que... Vous avez un look très BCBG. Ah, ça, c'est de la connerie complète, ça. Ça, c'est la biffée pas le moine, mais dans mon cerveau, il y a quelque chose et j'ai 75 ans. Ah, mais j'ai pas dit qu'il y a des BCBG qui ont quelque chose dans le cerveau, moi. Non, j'ai jamais dit que, le contraire. Mais je suis propre, parce que je suis propre. Qu'est-ce que j'ai d'extraordinaire ? Je suis propre. C'est tout. C'est tout. Parce qu'on est propre, on est de droite. C'est pas vrai, ce machin-là. On est BCBG parce qu'on est propre. Mais je suis pas BCBG, moi. Vous n'êtes pas BCBG ? Ah, pas du tout. Mais alors... Non, je viens pas de là. Je ne suis pas une bourgeoise. Mais vous êtes agressive quand même. Ah non, je suis pas agressive, je réponds du tac au tac à la connerie. Je suis pas agressive. Mais moi, j'ai rien dit, c'est vous qui avez attaqué le micro France Inter. Oui, parce que France Inter, ben, pour une fois, ben, tant mieux. Qu'est-ce qui vous plaît dans le mouvement libertaire ? Mais j'ai toujours eu des pensées comme ça. Oui, parce que c'est une morale, c'est une façon de vivre autrement. On n'est pas des godillots, c'est contre la bêtise, la connerie. Et ça fait combien de temps que vous êtes anarchiste ? Mais ça va de soi, il n'y a pas de nombre de temps. J'ai compris toute seule déjà, petite. Je suis née au début de la guerre, j'ai compris ce qui se passait autour de moi. Quand on a de la cervelle et qu'on sait parler, on voit ce qui se passe autour de soi. C'est évident, ça va de soi. On voit que ça ne colle pas. En tout cas, donc, je retiens que France Inter est une radio de droite. Oui. Alors, au revoir, monsieur Fauchon. Et on se retrouve demain. Non, je ne ferai pas d'effort là-dessus, jamais, alors. Oh, je n'ai pas de copine de droite, d'abord, alors j'en ai pas. Non, vous n'êtes pas très tolérante, alors Ah, si, c'est eux qui ne sont pas tolérants. Eux n'apportent que la mort et la désespérance. Et exploiter les autres. Ah non. Les anarchistes, c'est beaucoup plus chaleureux. J'ai envie de vous appeler Chantal. Je peux vous appeler Chantal ? Oh, quelle horreur ! Ah oh, ben non, alors. Oh, alors non, pas, non. Vous voulez pas me dire votre prénom ? Oh, j'ai un joli nom, au contraire. Oh non, quelle horreur ! Un joli nom et prénom. Les deux. Non, je vous demande juste le prénom. Cécile. Oh non ! Non. Alors, je suis propre. Je sais me raccommoder. Si j'ai vécu la guerre, j'ai 75 ans. Lucie. Oh non, alors. Si, c'est la lumière. Ah non, pas du tout. Oh non, je sais pas du tout. J'ai un nom bien français, pourtant. Bah, écoutez, je vous laisse avec votre mystère. Bonjour à tous et bienvenue à l'espace des Blancs Manteaux où l'on se bouscule pour visiter le 6e salon du livre Liberté. Vous avez un très beau look, monsieur. Et vous êtes vraiment sur France Inter ? Non. Moi, j'ai un micro France Inter, un magnéto France Inter, un t-shirt France Inter, mais je travaille à RTL. Ah, c'est... Ben alors là, je connais pas, je sais même plus ce que ça veut dire, RTL. Ça veut dire... Radio-télévision luxembourgeoise. Ça existe encore ? Bien sûr. C'est un paradis fiscal, non ? C'est pas ça ? C'est la radio paradis fiscal ? Exactement. C'est RPF, alors. Et bon, alors, qu'est-ce que vous faites là ? Mais je suis correcteur. Donc à côté de mon travail, de mon métier de correcteur, j'édite de temps en temps des livres. Vous avez toujours été libertaire ? Aussi loin que je puisse me rappeler, c'est-à-dire avant 1968, oui. En revanche, j'ai publié un livre d'un libertaire qui s'appelle Tomás Ibáñez, qui est espagnol mais qui a grandi en France. Fragment épars pour un anarchisme sans dogme. Si j'ai aimé le publier, c'est parce que justement ce qu'il explique, c'est qu'être libertaire, c'est remettre tout le temps en question, confronter ses idées à la réalité et les remettre tout le temps en question. Il n'y a pas d'acquis. Quand vous me dites si j'ai toujours été libertaire, je peux dire oui. Mais si j'ai toujours eu le même genre d'ouverture sur le monde, non, évidemment, en 40 et quelques années, elle a évolué. Comment vous expliquez que tout ce que j'entends là sur le mouvement libertaire paraît très sympathique, très positif, très intéressant. Pourquoi ces idées ne sont pas plus répandues ? À mon sens, les idées sont assez répandues, en tout cas depuis 68, depuis le moment où elles sont réapparues à peu près partout en Europe. Je vais vous dire que le chanteur emblématique en France, c'est Georges Brassens, qui était évidemment un anarchiste et il y aurait un autre exemple avec Ferré. Donc, il n'y en a pas de vivant ? Oh, probablement. Des chanteurs, il y en a des vivants. Il y en a même qui se promènent par ici au Salon du Livre Libertaire. Allez interroger Serge Ujeroyo, je l'ai vu tout à l'heure, il n'est pas très loin. Mais donc, la sensibilité libertaire, elle est en général partagée par beaucoup. En revanche, l'idée qu'on va appliquer l'anarchie, là, ça débouche sur un grand scepticisme. Et il y a de quoi, effectivement, quand on voit les problèmes qui se posent au monde, la question du nucléaire, par exemple, on peut se dire, ça donne quoi le nucléaire plus l'anarchie ? Évidemment, à mon avis, c'est pas compatible. Mais bon, je pense que, comme certains font de la prose sans le savoir, beaucoup sont anarchistes sans le savoir, et c'est tant mieux. C'est peut-être pas dans les hauts lieux en tant que tels, balisés comme anarchistes, qu'on va trouver le plus d'espoir pour la mise en pratique des idées libertaires. On va les retrouver dans bien d'autres milieux. Je peux me demander votre nom ? Je m'appelle Marc Thompson, et parisien de la rue des Cascades. À France Inter, je ne vais pas raconter mon nom dans une société fasciste. Non. Je peux vous demander, je peux parler un peu, monsieur, maintenant. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au Salon du Livre Libertaire ? Je suis venu justement pour rencontrer madame, je crois. Ah, ouais. Vous avez fait une touche, madame. Oh, quelle horreur. Non, c'est pas le genre, c'est pas mon genre, ça. Ah bon ? De parler comme ça, non, je ne parle pas comme ça. Je ne suis pas élevée comme ça. Et comment votre genre ? Ben, tout simple. Quelqu'un qui respire. Xavier Bertrand. Ah non, j'écoute pas ce genre de musique. J'ai horreur de la zizique. C'est un homme politique. Oui. Non. J'essaie de vous donner un physique. Non, pas du tout. Non, j'ai horreur de. Moi, j'aime pas la zizique, j'aime pas la variétoche. Oui. Léo Ferré. Ah, j'adore, j'en ai plein. Ah oui, oui. Et puis j'aime bien aussi les autres, Jean Ferrat, Brel. Et Michel puis, Sardou. Non. J'ai envie de foutre la main sur la gueule alors. C'est vrai. Oui. Oh non, parlez pas de. Non, ne m'emmerdez pas avec des conneries pareilles. Comme si je vous dis que j'aime Léo Ferré, puis après vous me dites que j'aime Sardou. Ça n'a pas de sens ce que vous dites. Non. Vous n'êtes pas cohérent de ce que vous me posez comme question. Non, c'est vrai. Bon, je reconnais. Bon, mais ça fait un petit moment que j'essaie de partir, mais vous continuez tout le temps à parler. Oui, alors, non, mais d'accord. Moment, mais, dis, bon, vous n'avez qu'à prendre les décisions, vous êtes bien assez grand pour les prendre. Ah non, parce que c'est pas bien élevé. Après, vous dites que les journalistes de France Inter sont mal élevés. Vous me demandez ce que j'aime comme musique, je vous le dis, puis vous me demandez si j'aime Sardou. Non. Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain. C'est ça la morale, l'anarchiste. C'est de la morale, c'est pas... Vous avez des enfants ? Jamais. Dans une société pourrie, je ne voudrais pas faire la chaîne de la misère. C'est pour donner des esclaves au patronat d'avoir plein d'enfants. J'en ai 5, moi. Alors, vous croyez que j'ai fait des esclaves pour le patronat ? Ah, ça dépend. Ça dépend si vous avez intellectuellement et physiquement les moyens de vous en occuper. Ça, c'est affaire de goût. Intellectuellement, je ne sais pas. Ah ben, il faut. Il faut intellectuellement aider ses enfants. Ben, j'essaye. Bon, ben, d'accord, il faut essayer, mais si vous êtes mal marié, mal accompagné, que vous rendez les gens malheureux, c'est pas la peine. Oui. Bon, ben, je vous remercie du conseil et je vous laisse, hein, vous qui ne voulez pas me donner votre prénom depuis le début de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue au 6e Salon du Livre Libertaire à Paris. Bonjour monsieur. Ça va bien ? Ouais, ça va. Alors, c'est vous qui organisez le Salon du Livre Libertaire ? Ouais, je suis un des organisateurs. L'année dernière, il y a eu combien de visiteurs ? Il y a 2 ans. Ah, c'était tous les 2 ans ? Ouais. Ah, d'accord. C'est difficile à dire combien il y a de visiteurs, parce que comme l'entrée est libre, donc les gens, il y a beaucoup de gens qui donnent quand même, mais c'est difficile de le dire. Hier, par exemple, il y avait entre 600 et 800 personnes, à peu près, tu vois, qu'on donnait. Oui. Voilà. Combien ça coûte d'organiser un salon comme ça ? Beaucoup en huile de coude et en huile de genou, je suis assez fatigué. Je comprends. Hein ? En argent, quoi, il faut un budget de... Non, il faut un budget. Alors, comme c'est une salle municipale, la salle n'est pas très très très chère. Les éditeurs et les auteurs viennent gratuitement. Et on récupère un peu d'argent grâce à la caisse d'entrée, grâce aux 2 buvettes. Mais aussi, on passe un deal avec les éditeurs présents. Ils donnent 10% des ventes. Il n'y a pas de vérification. On fait confiance. C'est les rapports anarchistes. Il y a un accord moral, politique, voilà. Tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien. Donc eux, il faut qu'ils fassent leur compte. Ils donnent 10% au salon. Et ce qui est sympa, c'est que je vois que les boissons, c'est 1,50€ la bière. Mais si tu veux, on ne compte pas sur la buvette pour équilibrer le salon. D'accord. Voilà. Il y a combien d'exposants, justement ? Il y a une 60aine de stands et il y a 100aine d'éditeurs représentés. Et à peu près 120 à 130 auteurs qui sont passés pendant ces 3 jours. Ça fait combien de temps que vous êtes anarchiste ? Moi, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Tiens, vos parents étaient anarchistes ? Oui, les grands-parents. Les grands-parents aussi. Ouais. Et alors, comment c'est une éducation anarchiste ? Je sais pas. C'est la liberté, c'est... Ouais, la responsabilité aussi. Ouais. L'égalité, enfin on essaye. Et puis, je sais pas, voilà, je suis à peu près normal. Vous avez l'air. Hein. Ça fait un an que je suis à la retraite, alors je profite un maximum. Et puis, je viens de sortir un livre. Avant, j'en ai sorti un, deux autres. Donc vous êtes écrivain ? Écrivain, non. Je sors des livres, c'est pas pareil. Là, je viens d'en sortir sur le foot comme activité anarchiste. Ah oui ? Hein, le football, enfin les sports collectifs comme outil de propagande anarchiste. Il faut jouer tous ensemble. Justement, il faut apprendre à jouer ensemble, à se faire une passe, à avoir confiance dans les autres, à créer des liens d'entraide, de solidarité, à avoir le respect de l'adversaire, et puis à dire bon, on perd, c'est pas grave, on gagne, c'est pas grave, l'important c'est le plaisir qu'on a trouvé. Ça, c'est pas l'anarchie, ça. Si, ben justement, si. C'est le slogan du Salon du Livre, lire. C'est prendre du plaisir et c'est déjà désobéir. Bah, c'est pas désobéir, on a le droit de lire. Oui, bien sûr, oui, mais justement, il y en a pour qui lire, c'est déjà désobéir. Il y a des autodafés encore dans le monde. Hein. Et alors, votre nom et le nom de votre livre et l'éditeur ? Donc, je m'appelle Wally Rossel, et mon dernier livre, ça s'appelle Éloge de la passe. C'est pas un truc sur la prostitution ? On m'a demandé, et on l'a rédigé en pleine affaire Strauss-Kahn. Ah oui. Mais le titre était déjà trouvé et annoncé aux éditeurs, aux libraires. Donc, tous les parents qui font faire du foot à leurs enfants sont en train de leur donner une éducation anarchiste. Non, malheureusement, non. Il y a une manière de concevoir le sport de manière libertaire pour que les jeunes hommes et femmes apprennent à se réapproprier leur corps et apprennent à vivre dans une mini-société. Et là, il va bientôt justement y avoir le championnat d'Europe. Ouais, c'est pour ça qu'on a sorti le bouquin, on n'est pas cons quand même. On a beau être anarchiste, désintéressé, on a un peu le sens du marketing. Mais est-ce qu'en jouant avec une philosophie anarchiste, on peut gagner l'Euro 2012 ? Le Barça, ça gagne. Ah, c'est l'anarchie, c'est... C'est la passe, le oui, Barça. C'est vrai. Ah, oui, ça, hein, c'est... On est d'accord. Ah, oui, ça, c'est... Faire une passe, donner le ballon. D'ailleurs, on dit donner le ballon, hein, que ce soit au rugby. Voilà, c'est un peu, c'est un acte militant. C'est la même chose que quand tu distribues un tract ou tu colles une affiche. Qu'est-ce que tu fais ? Quand tu donnes le ballon, tu as confiance dans la personne à qui tu donnes le ballon pour qu'elle améliore la situation générale de ton équipe. Et si tu joues tout seul, trop personnel, de toute façon, tu n'avances pas. Donc il y a un système d'entraide, de relation entre les individus qui met bien l'individu au centre du débat, mais qui... fait interagir. Tout seul, on ne peut pas y arriver. Tout pour faire un monde anarchiste. Hein. Oh là là, j'en ai rencontré une, là. Sacré numéro. Hein. Toutes les manifs, elle est là. Et comment elle s'appelle, son prénom ? Françoise. Françoise, merci. Elle ne voulait pas me dire son prénom. Oh. Je connais très bien Jean Grave, Françoise. Et... Je ne sais pas ce qu'elle me raconte. Vous appelez pas Françoise ? Pas du tout. Ah pardon, je croyais. Pas du tout, pas du tout. Je ne m'appelle pas Françoise. C'est, France Inter, je ne vais pas raconter mon nom dans une société fasciste, non. Non. J'écoute France Inter. Hein. Ah ben c'est bien. C'est une radio libertaire ou pas ? Oui. Depuis un certain temps, oui. Ah. Je trouve que c'est au moins aussi bien que Radio Libertaire. Ah, bon ben alors.